merveilleuse prestation en direct qui se prépare en compagnie de vos compagnons. Compagnons, je te reçois. C'est-à-dire la gang de ton oreille à soif qui sont aussi le groupe Niveau Zéro. Alors, un micro, une guitare, et c'est parti. Je pense qu'on commence à l'avoir, les gars. Hey! C'était-tu le fun? Ouais, c'est ça que ça vaut.